Go. Dans la semaine qui commence, les quatre États du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Et 48 heures plus tard à Niamey, celui du chef du gouvernement, Amani Diop.